À l'ère de la communication, nous sommes toujours que des pions, que l'on range au gré du vent, un coup de médiatisation. À l'ère de la pollution, dans d'étranges combinaisons, on aura l'air bien fin, dans nos cassons blindés de cardins, en blindés de cardins. À Légion, les concepts pognons érigent leur empire de béton. Ça sent la haine, la démolition. Ça sent la haine, l'émancipation. Ça sent la haine, la révolution. À l'ère de la stérilisation, des sentiments glacés glaçants, que l'on s'empire, que l'on brille, ne fait pas guère pousser nos pions, pousser nos pions. À l'ère de la dépénalisation, enfin voilà quelque chose de bon. On s'affirmera avec nos chansons et on les collera pour de bon, ouais, pour de bon. Les légions, les concepts pognons érigent leur empire de béton. Ça sent la haine, la démolition.